Le parquet central de la République populaire démocratique de Corée a lancé le 12 une déclaration. En voici le texte intégral. Il est de notoriété publique que le ministère de la Sûreté nationale de la République populaire démocratique de Corée a dénoncé la bande terroriste qui a été infiltrée à l'intérieur de notre pays par la CIA et l'agence de renseignement sud-coréenne pour perpétrer un attentat terroriste d'État contre la direction suprême de notre République. Le crime commis par les États-Unis et les autorités sud-coréennes contre notre direction suprême est le plus scélérat et cruel forfait ultra-géant qui correspond au crime de conspiration pour le renversement d'État, de haute trahison à la nation et à la patrie, et de terrorisme défini par le code pénal de notre République. Pour punir sévèrement les organisateurs, complices et suivistes de l'attentat terroriste d'État ultra-géant, dont les dessous ont été nettement dévoilés par le criminel arrêté, le parquet central de la République populaire démocratique de Corée déclare comme ce qui suit. Primons, nous commençons à partir de ce moment la poursuite pénale des organisateurs, complices et suivistes de l'attentat terroriste d'État ultra-géant contre notre dignité suprême. L'article 8 du Code pénal de la République définit que ce code est appliqué aussi aux étrangers qui ont porté atteinte à notre République ou à un citoyen de notre République hors du territoire de la République. Tous les organisateurs, complices et suivistes de l'attentat terroriste d'État ultra-géant contre notre direction suprême, font l'objet de la poursuite pénale par la loi de notre République, sans égard à leur nationalité. Selon l'article 58 du Code pénal de la République, la prescription de la poursuite pénale n'est pas appliquée pour les crimes de conspiration pour le renversement de l'État, de traîtrise à la nation et à la patrie, et de terrorisme. Secondo, nous exigeons des autorités compétentes l'arrestation immédiate des organisateurs, complices et suivistes de l'attentat terroriste d'État ultra-géant et leur extradition en notre République. L'article 21 du Code pénal de la République stipule que pour les organisateurs et suivistes des organisations criminelles, ils prendront la responsabilité pénale selon l'article concernant le crime que l'organisation avait pour objectif et l'organisateur sera puni plus sévèrement. Le dernier attentat terroriste est un crime organisé. Et donc, les organisateurs relevant de la CIA, Lee Byung-ho, ex-directeur de l'agence de renseignement sud-coréenne, un certain Han, chef d'équipe de l'agence de renseignement, Cho Gi-chul, agent de l'agence de renseignement, et Ho Kwang-hae, directeur de la compagnie LTD du commerce Nazca de Qingdao, sont l'objet de la responsabilité pénale la plus dure selon le Code pénal de la République. La CIA qui a reçu la demande et collaboré pour la fabrication de la substance radioactive et toxique destinée à l'attentat terroriste et interdite par la Convention internationale pour l'arrêt du terrorisme à l'explosif ne peut jamais échapper à sa responsabilité en tant qu'organisateur de ce crime. L'article 4 du chapitre 16, extradition du criminel de la Convention des Nations Unies contre le crime organisé transfrontalier, stipule que dans le cas où le pays ayant pour condition de l'extradition, la conclusion du traité en la matière reçoit une demande d'extradition du criminel par un pays non signataire du traité, ce pays peut considérer comme la base juridique de l'extradition la présente convention pour le crime qui correspond à cet article. Le chapitre 2 de la même convention définit le groupe formé de plus de 3 personnes qui s'activent en collaboration pour une certaine durée, dans le but de commettre un crime, comme le groupe criminel organisé, et que cette convention est appliquée pour le crime de caractère international. Les États-Unis et la Corée du Sud sont tenus d'arrêter immédiatement les organisateurs, complices et suivistes de l'attentat terroriste d'État ultra-géant contre notre direction suprême, et de les extrader en notre République. Les meurtriers cruels qui ont osé commettre un tel attentat ne peuvent jamais exister sur cette terre et sous ce ciel. Le parquet central de la République populaire démocratique de Corée déférera jusqu'au dernier les criminels de l'attentat à la justice pour les punir impitoyablement au nom de notre République.